Chapitre 2e. La police avait là une besogne malaisée. Les indications utiles étaient presque nulles. La première enquête révéla bien peu de choses. Dans le voisinage, on ne savait rien sur Aaron Cohen. Ses domestiques ignoraient même le nom des divers clubs qu'il fréquentait le soir. Il se rendait chaque matin à son bureau de la rue Throgmorton et déjeunait au restaurant. Il dînait d'ordinaire chez lui et invitait quelquefois des amis. S'il se trouvait seul, il allait invariablement à un club où il restait jusqu'aux petites heures du matin. Le soir précédant sa mort, il était sorti vers 9 heures. Ses domestiques ne devaient plus le revoir. Quant au revolver, celle-ci déclarait positivement qu'elle ne l'avait jamais vu et qu'à moins que M. Cohen ne l'eût acheté pendant son dernier jour, il ne lui appartenait pas. En outre, on ne trouva aucune trace sérieuse du meurtrier. Le matin qui suivit le crime, quand le brouillard se fut dissipé, deux clés réunies par une courte chaîne en métal furent ramassées près de la porte opposée du square, celle qui fait face à la place de Portland. La première était la clé de la maison de M. Cohen, la seconde sa clé d'entrée dans le square. On supposa donc que l'assassin, son acte féroce accompli, avait trouvé les clés dans une poche du cadavre et qu'elles avaient rendu sa fuite plus prompte et plus sûre en traversant le square, au lieu d'en faire le tour, puis en suivant le tunnel et en sortant par la porte opposée. Il avait alors pris la précaution de ne pas emporter les clés, mais de les jeter au hasard avant de disparaître dans le brouillard. La police multiplia ses efforts, et les recherches aboutirent peu de temps après le crime à l'arrestation sensationnelle d'un des plus élégants viveurs de Londres. Les présomptions qui s'élevaient contre lui étaient les suivantes. Le 6 février, vers minuit, la partie était très forte au Harewood Club, dans le square du Hanovre. M. Aaron Cohen tenait la banque entre 20 ou 30 de ses camarades, pour la plupart des jeunes gens étourdis et riches. Depuis quelque temps, il avait une chance insensée et rentrait chaque soir avec un bénéfice de plusieurs centaines de livres. Par contre, un des pontes, le jeune John Ashley, qui appartient à une famille extrêmement respectable de province, perdait tout ce qu'il voulait. C'est à peine s'il parvenait à gagner un coup de temps en temps. Les détails que je vais vous résumer ici en peu de mots, il fallut plusieurs jours pour les obtenir de différents témoins. Ce monsieur Ashley, quoique reçu et fort apprécié dans le grand monde londonien, se trouvait dans une situation difficile. Il était à la fois dans les dettes jusqu'au cou et terriblement effrayé par son père, un vieillard pas commode qui l'avait déjà menacé à plusieurs reprises de l'envoyer en Australie avec simplement un billet de 5 livres dans sa poche, s'il faisait encore d'extravagants appels à sa bourse. Ce rude papa, quoique fort riche, ne servait à son fils qu'une pension très modique. Le jeune homme, affolé par le désir de faire figure dans le monde, essayait souvent de tirer du tapis vert de plus sérieux revenus et d'ordinaire, la chance lui souriait. L'opinion générale du club était que le jeune M. Ashley avait risqué ses toutes dernières ressources contre M. Aaron Cohen la nuit du 6 février. Ses amis, et notamment le plus intime, M. Walter Hetherell, avaient essayé de l'empêcher de jouer gros jeu contre M. Aaron Cohen, qui se trouvait à ce moment dans une veine extraordinaire. Mais M. Ashley, échauffé par le vin et exaspéré par sa malchance, ne voulait rien entendre. Il jeta des billets de 5 livres les uns après les autres sur le tapis vert, puis l'emprunta à ceux de ses camarades qui voulurent bien lui en prêter. Ayant tout perdu, pendant un certain temps, il joua sur parole. Enfin, à 1h30 du matin, il se trouva sans un penny en poche et devant, dette de jeu, dette d'honneur, 1 500 livres à M. Aaron Cohen. Rendons d'ailleurs justice à celui-ci. Il avait conseillé à diverses reprises à M. Ashley d'abandonner la partie. Mais le jeune homme semblait chaque fois l'accuser de vouloir se retirer sur bénéfice avant que la chance ne tournât. M. Aaron Cohen, qui fumait le meilleur des Havanes, disait alors en haussant les épaules « Comme il vous plaira ». Mais à 1h30, il finit par en avoir assez de cet adversaire qui perdait toujours et ne payait jamais, et sans doute ne pourrait jamais payer. Il refusa donc, à cet instant, d'accepter les enjeux sur parole de M. John Ashley. Quelques mots aigres furent échangés entre eux, cela devint même une vraie dispute, vite arrêtée d'ailleurs par la direction. M. Hetherell, avec beaucoup de bon sens, persuada le jeune M. Ashley de quitter le club et ses tentations et de rentrer se coucher. Il lui fallut d'ailleurs de grands efforts. Pourtant, M. Ashley, sans doute calmé par ses terribles pertes, finit par se laisser entraîner loin de ce lieu de perdition. Il était alors environ 2h20. Rappelez-vous cette heure. Ici, la situation se complique, continua le bonhomme. Rien d'étonnant à ce que la police ait dû interroger au moins une douzaine de témoins pour arriver à tout éclaircir. M. Walter Haverhill, après environ 10 minutes d'absence, c'est-à-dire 2h10, retournait au club. En réponse à diverses questions, il déclara avoir quitté son ami M. Ashley au coin de New Bond Street et que celui-ci lui avait annoncé l'intention de se promener dans Piccadilly avant d'aller se coucher, l'air et l'exercice ne pouvant lui faire que du bien après tant d'émotions. À 2h, M. Aaron Cohen abandonnait la banque, empochait ses gros bénéfices et s'en allait. M. Walter Haverhill quittait le club à 3h20. À 3h exactement, les cris de l'assassin et les détonations d'armes à feu réveillaient tout le square du Park West et l'on trouvait M. Cohen étranglé en dehors des grilles du jardin.